La Corée a édité 4 timbres individuels sur les 31e Jeux Olympiques. À la partie supérieure, on a écrit 31e Jeux Olympiques. On y voit également l'emblème du Comité Olympique de la République Populaire Démocratique de Corée, les peintures sur le plongeon, la gymnastique aux agrès, l'haltérophilie et l'athlétisme. Par ailleurs, la Corée a mis au monde un bloc de timbres montrant des singes.